chiante pour voir se passer sa famille. D'accord. Est-ce que faut que je me mette en condition, parce que sinon j'y arriverai pas. T'es prêt? Ça part là? Ah oui. Ok. Sentir les êtres chers.